Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 23e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Lucien Cerise. Lucien, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Lucien, vous êtes écrivain. Vous vous intéressez en particulier aux problématiques liées à l'ingénierie sociale. Vous allez d'ailleurs éditer ce mercredi 10 février un nouvel ouvrage intitulé « Neuropirate », ouvrage qui est en fait un recueil de textes et de conférences, c'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. Mais remanié par vos soins et que vous avez rassemblé pour former ce nouvel opus disponible aux éditions Contre-Culture. Nous allons aborder le fond tout de suite, mais avant cela, laissez-moi informer nos auditeurs que nous avons également le plaisir d'avoir à nos côtés Pierre de Brague. Pierre, bonjour. Salut Vincent, salut. Alors, Lucien, Xavier. Pierre, qui était de passage à Paris et qui lui aussi s'intéresse au mind control, c'est donc tout naturellement que nous l'avons invité aujourd'hui. Pierre, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bah, je viens vous prêter main forte, bien que vous n'en ayez pas besoin. Mais comme je m'intéresse effectivement à ces sujets, que j'étais de passage à Paris et que je veux saluer la sortie d'un livre événement, qui est le livre de Lucien Cerise, et je pense que je pèse mes mots parce qu'il faut dire aux auditeurs que c'est un livre important, qui va toucher des questions essentielles. Donc je suis très heureux de participer à cette émission avec vous. Merci Pierre. Enfin, chers auditeurs, comme chaque semaine, j'ai à mes côtés mon partenaire animateur Xavier de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Lucien, c'est un constat accablant que vous faites dans votre livre. La plupart d'entre nous sommes sous contrôle d'un pouvoir qui a fait de notre cerveau un champ de bataille. Ma première question est la suivante, Lucien. Comment allons-nous nous en sortir ? Alors, donc j'apprécie que vous partiez sur cette question, surtout dans cette formulation qui permet donc d'éviter les faux problèmes, c'est « peut-on s'en sortir ?» Non, il faut positiver et appliquer soi-même des techniques, on pourrait dire managériales, qui nous sont appliquées, mais pour les inverser. Donc en fait, la question, ce n'est pas si, mais quand. Hein, c'est toujours comme ça qu'il faut voir les choses. Comment, quand et quand allons-nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes ? De la même manière, on peut poser la question, quand allons-nous sortir de l'Union européenne ? Quand allons-nous sortir de l'euro, de Schengen, de l'OTAN ? À chaque fois, il faut effectivement envisager les choses sous l'angle méthodologique. Comment allons-nous faire pour y arriver ? Et non pas, est-ce qu'on va y arriver ou pas ? Parce que bon, là, c'est déjà perdu. Si on commence sur cette voie-là, bon, c'est pratiquement foutu d'avance parce que en fait, on est dans un état semi-dépressif dans lequel j'ai été pendant très longtemps, hein, comme beaucoup de gens d'ailleurs encore le sont aujourd'hui, et qui en fait ne comprennent pas qu'il faut en fait déplacer les problèmes. Donc, comment allons-nous nous en sortir ? Il y a plusieurs niveaux de réponse. Hein. Il y a un niveau de réponse individuel, ensuite collectif. Après ça, à l'intérieur de ça, donc, il y a aussi, on peut détailler des nuances, niveau de réponse politique, philosophique ou spirituelle. Pour commencer, alors effectivement, il faut déjà comprendre dans quel environnement nous sommes plongés. Hein, nous sommes plongés dans un environnement qui est globalement pathogène, hein, c'est-à-dire qui nous attaque. Comme des virus qui nous attaquent physiquement, hein, au moyen de substances polluantes, par exemple, hein, qui sont diffusées, pesticides, chimiques, etc. Mais aussi de virus mentaux, cognitifs. Donc ça, c'est plutôt mon rayon. Hein. On ne peut pas tout étudier en même temps. Donc moi, je me suis spécialisé, on pourrait dire, sur ces questions un peu de virologie mentale. Donc j'ai appelé ça Neuropirate, c'est un clin d'œil appuyé donc, au livre de Paolo Cioni et Marco Della Luna, qui s'intitule Neuroesclave, et qui, eux, faisaient donc une cartographie, hein, en quelque sorte, de la manière dont nous sommes réduits en esclavage, hein, par cette guerre cognitive, hein, qui nous est livrée depuis plusieurs décennies. Et donc, pour répondre un petit peu en miroir à leur ouvrage qui est fondamental, qui fait 800 pages tout de même, hein, faut pouvoir avoir le temps de se les prendre. Et puis, il faut un tout petit peu de formation quand même, parce que c'est vrai que bon, c'est un ouvrage un peu professionnel quand même, mais pas tant que ça non plus. Je veux dire, c'est grand public, c'est à mi-chemin entre l'ouvrage universitaire et l'ouvrage grand public. Donc, moi, je me suis dit, je vais essayer de faire un pendant. Et puis, en insistant beaucoup plus, je dirais, non pas sur l'état dans lequel nous sommes, mais sur les techniques appliquées. Bon, en même temps, ça, c'est rétrospectivement, parce que c'est vrai que, à la base, c'est un recueil d'interventions, hein, articles ou entretiens, ou recensions aussi. Et que j'ai réunifié en faisant en réécrivant tout deux ou trois fois pour produire un effet de une solution de continuité, hein, que le côté éclaté dans le temps de la rédaction, hein, puisque ça rassemble des textes qui datent de 2012 jusqu'à 2015, pour que ce soit qu'il y ait quand même une impression en fait, enfin de continuité, enfin l'impression de toute façon, je veux dire, est donnée par le texte même puisque c'est moi qui ai écrit tout ça et que j'ai tout réécrit en deux ou trois couches successives en 2015. Donc en fait, c'est un livre écrit sur plusieurs années, mais en plusieurs étapes indépendantes les unes des autres. Et je pense qu'il y a un fil conducteur, hein, oui, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, c'est-à-dire les techniques de piratage de l'esprit. Je dis de l'esprit, parce que si je dis du cerveau, bon, les gens vont se dire « oui, mais bon, c'est matérialiste, etc. L'esprit va au-delà de ça ». Mais on peut aussi pirater des gens qui sont croyants, par exemple. On peut retourner des gens, on peut utiliser la foi religieuse de certaines personnes pour prendre le contrôle de leur cerveau. Donc en fait, personne n'est au-dessus de ça. C'est pour ça que je parle pirater l'esprit, parce que c'est plus englobant que pirater le cerveau. Des gens croyants, sincèrement croyants, mais qui se font manipuler jusqu'à faire des grosses bêtises, il y en a beaucoup. Je ne parle pas forcément de ce qu'on appelle les terroristes, parce que là, c'est des situations quand même assez troubles. On ne sait pas exactement qui fait quoi. Mais je veux dire, bon, les exemples sont quand même nombreux. Sur cette base-là, donc qu'est-ce que c'est que l'ingénierie sociale ? Hein, donc ça va au-delà en fait de la manipulation ponctuelle, pure, en quelque sorte vous faire acheter un produit dans un magasin. Non, ça va au-delà de ça. C'est la méthode furtive, hein, de transformation des sujets sociaux. C'est-à-dire que on ne se contente pas donc de manipuler ponctuellement les individus ou les groupes, on les transforme. Donc, c'est au-delà de la manipulation en réalité. C'est pour ça que on peut parler de manipulation, mais qu'un nouveau terme doit être trouvé. Ce terme, il a été divulgué au XXe siècle sous cette expression d'abord en anglais, de social engineering, à partir des années 20, à peu près, des années 1920. C'est à peu près dans ces eaux-là, avec les travaux de Kurt Lewin, que c'est le terme a commencé à émerger. Karl Popper l'a aussi popularisé. En distinguant deux sortes d'ingénierie sociale, une qui serait plus, modeste, et une autre qui serait plus utopique et générale, ou générique. La deuxième couche qui est venue se surajouter, elle vient là des milieux de la sécurité informatique. Notamment, c'est donc un pirate informatique célèbre, hein, qui est passé à la postérité, qui s'appelle Kevin Mitnick, et qui a repris le terme et qui en a modifié le sens légèrement, en insistant sur la furtivité, hein, avec le concept de hameçonnage, donc de phishing en anglais. L'idée de furtivité était latente, hein, depuis le début. Mais là, bon, vraiment, il a mis ça au premier plan. Là, moi, j'arrive un petit peu en troisième position. Je rajoute quelque chose, c'est la notion de conflit triangulé, qui permet donc de détruire un système furtivement, sans être vu. Puisque, en fait, vous déléguez le travail de destruction à des agents de procuration, en quelque sorte. C'est le concept de proxy force, par exemple. Qui a été lancé par un document israélo-américain qui s'appelle Clean Break. Historiquement, je ne sais pas si le terme existait avant, mais en tout cas, bon, là, on a une source, une trace historique. Ça remonte à 1996, donc par ce texte collectif dirigé par Richard Perle. Avec cet arsenal conceptuel, on commence à avoir une vision assez claire de ce qui nous est appliqué, c'est-à-dire une transformation de notre nature, de notre être, prévue sur le long terme, et prévue pour être définitive. Là, on peut ensuite rebondir sur le transhumanisme. On peut parler de planification. Ah oui, totalement. Oui. C'est planifié pour toujours. Hein. Et c'est là où donc ensuite, alors après le jeune ingénierie sociale, on arrive sur le transhumanisme, hein, forcément. Enfin, c'est le débouché logique. Ces transformations de notre nature, notre être, et furtif. Hein, faut pas que ce soit vu parce que sinon forcément on va se braquer, on va dire non, ça va pas la tête, hein, puisque finalement l'espèce humaine, si elle est arrivée là où elle est aujourd'hui, c'est qu'elle était viable et donc elle a pas besoin de changer. Voilà. Et donc pour contourner tous ces mécanismes là de défense ou d'autodéfense, il va falloir effectivement donc mettre en place des stratégies donc de contournement et donc de piratage. Hein, le piratage, forcément, par définition, est furtif. Par définition, puisque si vous voyez le pirate pendant qu'il vous pirate, il n'y a plus de piratage, c'est juste une agression. Par exemple, pour un individu lambda, il s'agit de quelque chose d'indicible, d'inconscient, c'est ça ? Comment ce sera perçu par un individu lambda ? L'individu lambda ne sait pas qu'il se fait pirater, par définition. C'est-à-dire que, si, par exemple, pour revenir sur l'informatique, si vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur et si vous voyez que, que votre ordinateur est en train d'être piraté, il n'est plus piraté. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que là, il est attaqué. Mais le piratage consiste en fait à avancer masqué, toujours. Hein. Et ça, c'est vraiment la règle. Aujourd'hui, la guerre qui nous est livrée est furtive. On va sur les guerres hybrides, hein, sur le concept de guerre hybride de l'OTAN. Et troisième point, donc, la principale action de cette ingénierie sociale vise à nous détruire dans un premier temps, en tout cas, et puis définitivement, en réalité, je pense, parce que c'est un génocide, hein, de toute façon, qui vise à nous remplacer par autre chose, des robots, ou je sais pas quoi, enfin bref, une nouvelle espèce augmentée ou dégénérée. Des joueurs de foot. Une société de joueurs de foot du Barça avec des coupes d'Iroquois. Oui, ça peut être ça aussi. Ouais. Justement, pour que la destruction soit furtive, elle doit être réalisée par des agents indirects, hein. C'est-à-dire donc des délégués en quelque sorte, d'où ce que j'ai trouvé le concept de conflit triangulé. Alors là, Lucien, je me mets à la place de l'auditeur qui arrive, qui débarque, qui n'a jamais été sur Égalité et Réconciliation et qui vous écoute. La question qui va se poser, c'est la question du mobile. Pourquoi ? Pourquoi ils veulent nous détruire ? Est-ce que vous avez une réponse à ça ? Oui. C'est en fait parce que nous faisons obstacle à un programme... qui lui-même un programme politique ou géopolitique, hein, qu'on peut appeler Nouvel Ordre Mondial, ou, puisque c'est George Bush père, hein, qui l'a utilisé, Nicolas Sarkozy. Donc c'est officiel. Hein, je me souviens, c'est Sarkozy qui disait « Tous ensemble, nous irons vers le Nouvel Ordre Mondial et personne ne pourra nous en empêcher ». Donc c'est officiel, quoi. Je veux dire, c'est pas une... Manuel Valls l'a encore revendiqué récemment sur France 2. Oui, mais c'est fort possible. Ouais. À propos de la COP21. Ouais. Ah oui, voilà. Voilà, c'est le grand raout mondialiste qui sert de prétexte à l'argumentaire. Voilà. Ouais. L'écologie peut servir de hameçon, hein, en ingénierie sociale, c'est-à-dire qu'on fait passer quelque chose sous couvert d'autre chose. C'est pour nous modifier, c'est-à-dire en fait modifier nos comportements, nos habitudes, etc., définitivement. Hein, parce que là, il n'est pas prévu d'en sortir, hein, de ces nouveaux comportements écologistes. C'est pas pour 5 ans, 10 ans. Non, c'est définitif. Pourquoi est-ce qu'on nous fait tout ça ? C'est pour nous remplacer. C'est-à-dire que le problème de la masse humaine que nous représentons, c'est que nous faisons obstacle donc à l'automatisation générale hein, de la planète. Quoi. Parce que bah, le facteur humain est quand même relativement imprévisible. Pas tant que ça, il est prévisible, mais bon, malgré tout, disons que la psychologie humaine a des constantes hein, qui ne reposent pas justement sur, par exemple, la loi du fric, enfin, le capitalisme déchaîné, qui ne repose pas non plus sur la robotisation. Donc en fait, nous sommes juste une variable d'ajustement hein, pour l'instant. Donc le capitalisme nous a utilisés tant qu'il avait besoin de nous. Maintenant, il n'a plus besoin de nous parce qu'il y a un processus d'automatisation, enfin de robotisation généralisée. Donc en fait, il peut nous liquider, hein, on ne sert plus à rien. Tant qu'on avait besoin de main-d'œuvre hein, pour fabriquer des ponts, des usines ou je sais pas quoi, enfin pour travailler en usine, bon, on était nécessaire. Donc en fait, là, il y a quand même ensuite un échelonnement hein, des populations à éliminer. Donc on commence par éliminer ceux qui pensent, ensuite on éliminera même ceux qui travaillent hein, sans penser. Parce que en fait, bon, c'est vraiment l'espèce qui est menacée. Hein, c'est pas uniquement les Européens. Là, en ce moment, là, depuis quelques mois, on voit une grosse offensive pour, enfin, à caractère, comment dire ça, immigrationniste, hein, pour vraiment nous liquider, enfin, liquider les Européens, quoi, physiquement. Mais bon, les gens qui sont utilisés pour faire ça, hein, qui sont triangulés. Dans la structure ternaire. Bon, eux-mêmes seront liquidés ensuite, hein, de toute façon. Voilà. Voilà. Ils sont là pour nous tuer, mais ensuite, eux-mêmes seront assassinés, seront remplacés. Voilà, et à côté de ça, on nous parle de leur enlever la nationalité française alors qu'ils sont systématiquement éliminés à l'assaut. Quoi. Il n'y a même pas de tentative d'arrestation. Quoi. Oui. Mmh, ouais. Donc eux, ce seraient justement les proxys dont vous parliez. Voilà, oui. Mmh. Et qui eux-mêmes... Oui, pardon. Non, mais il me semble que dans ton livre, tu parles de l'effondrement des sociétés complexes hein, comme un phénomène de l'ingénierie sociale négative. Et donc, tu évoques des outils de cette ingénierie sociale négative. Et donc, tu cites l'immigrationnisme, ouais, effectivement. Mmh. Donc, les migrants sont un outil, quoi. Oui, ils sont considérés comme tels par les fondations, les services qui les utilisent. Hein, c'est évident. Et puis dans la guerre psychologique qui est menée contre les peuples, je te coupe, désolé. Mais dans la guerre psychologique, il y a justement cette idée de dire qu'on est en guerre contre le djihadisme, mais à côté de ça, il faut accueillir tous les réfugiés, alors qu'on sait qu'ils sont potentiellement djihadistes. Et donc il y a un jeu sur l'émotion. Qui rejoint le concept de injonction contradictoire dont tu parlais dans une émission antérieure. Oui, oui. Vous voulez développer là-dessus ou c'est une perche que vous me lancez ? Voilà, c'est une perche. D'accord. Oui, donc le double bind hein, en anglais de Bateson, c'est-à-dire l'injonction contradictoire, elle se résume aujourd'hui, on pourrait dire, de la façon suivante, c'est les musulmans sont des terroristes, hein, mais vous devez les prendre chez vous quand même. C'est... Bon... Donc l'un et l'autre sont faux. C'est faux, les musulmans ne sont pas terroristes en bloc. Parce que, malgré tout, c'est le message qu'on essaie de nous faire passer. Hein. On nous murmure à l'oreille, hein, par tout le cheminement subliminal de l'information, les musulmans sont terroristes. Hein. Et, d'où les attentats effectivement l'identité confessionnelle des terroristes est surlignée au stabilo boss 40 000 fois. Hein. Je veux dire, c'est... Et puis dans la même phrase, on nous dit « mais pas d'amalgame ». Et de toute façon, les flux de clandestins ne vont pas s'arrêter. Il va falloir s'habituer. ce qu'a dit Manuel Valls, si je me souviens bien. Donc là, en fait, on veut vraiment nous rendre dingues. C'est vraiment ça. On nous dit, bon, voilà, il y a des gens qui vont vous... Enfin, en gros, qui vont vous couper la tête. Ils vont vous tuer quand vous allez boire un verre en terrasse. Ils vont se faire sauter aux terrasses des cafés, etc. Mais en même temps, de toute façon, il va y en avoir de plus en plus, et il n'est pas question que ça s'arrête, et vous devez l'accepter. C'est ça qu'on nous demande. Donc d'abord, bon, effectivement, il faut déconstruire les deux étapes du raisonnement. La première, effectivement, c'est l'amalgame entre musulmans et terroristes. Une fois qu'on a fait ça, on peut tomber dans l'angélisme immigrationniste, qui consiste à dire, bon, puisque les musulmans ne sont pas terroristes, à ce moment-là, effectivement, il n'y a pas de problème. Enfin, on peut faire venir des millions d'immigrés, éventuellement musulmans, en Europe. De toute façon, ils ne sont pas terroristes. Vous venez de le dire. Vous venez de dire vous-même, pas d'amalgame. Alors là, on se retrouve pris en tenaille, entre en fait, le choc des civilisations et le remplacement. Et c'est dans ce dispositif qu'on se trouve actuellement. C'est-à-dire qu'on nous demande d'accepter l'idée qu'il y a un choc des civilisations, et donc que les musulmans, en gros, attaquent l'Europe chrétienne. Et qu'on le soit d'accord ou pas avec ça, on va se retrouver pris en tenaille avec l'autre proposition, qui en fait est complémentaire, et qui nous dit, si vous dites que les musulmans ne sont pas terroristes, donc vous devez accepter d'être remplacé par des immigrés musulmans à l'occasion. Et en fait, les gens qui s'insurgent contre l'une des deux propositions, en général, tombent dans le piège d'adhérer à l'autre. Puisque, effectivement, je comprends les identitaires qui disent « on ne veut pas être remplacé par les gens qui nous tuent ». Je les comprends, mais je n'ai pas non plus... Enfin, je ne suis pas musulman, je ne suis pas croyant, de toute façon. Je n'ai pas forcément envie d'être converti. Et puis, je pense que l'Europe a le droit d'exister en tant qu'Europe blanche, chrétienne, même si je ne suis pas croyant. Je dis des mots qui vont... c'est l'heure la plus sombre. Oui, voilà. Donc faut aller jusqu'au bout des raisonnements. Je suis scientifique. J'ai une formation. Donc, je vais jusqu'au bout des hypothèses. Non, mais on compte sur vous. Non, mais les sociétés ethniques homogènes, éthiquement, sont beaucoup plus pacifiées que les sociétés métissées, par définition. Donc, ce que vous dites, c'est juste du bon sens. Voilà. Alors donc, sans tirer de conclusion, prescriptive, si je c'est-à-dire dire que c'est bien ou que c'est mal. En fait, là, j'analyse en fait le dispositif, le double bind, le dispositif d'injonction contradictoire dans lequel on nous prend. Et donc, les gens qui s'insurgent contre le remplacement identitaire, en général, tombent dans le piège du choc des civilisations. Et les gens qui s'insurgent contre le choc des civilisations tombent dans le piège du remplacement identitaire. Enfin, ils l'acceptent. Au motif que, pas d'amalgame, non, les musulmans ne sont pas tous terroristes. Enfin, les immigrés, en général, ne sont pas tous terroristes. Qui viennent chez moi et qui prennent la place, je leur file les clés, je leur file mon compte, ma femme, etc. Donc tout ça fait partie d'un projet de neutralisation du peuple français. Ce système d'injonction... De piratage. Français, puis européen, parce que là, depuis quelques mois, on voit bien que c'est vraiment appliqué au niveau européen. Donc de piratage cognitif, c'est-à-dire le but, c'est de nous empêcher de répondre. Parce qu'en fait, les contradictions sont elles-mêmes sous contrôle, on ne peut plus se rabattre ni sur l'une ni sur l'autre. Et donc, il faut apprendre à métacommuniquer. Ça c'est ce qui est donc à remonter à la cause de la situation, c'est-à-dire à la cause de la cause. Ça c'est ce qu'il va falloir faire comprendre au maximum de monde, c'est que nous sommes dans une fausse alternative, dans un débat qui est où les deux propositions opposées sont piégées l'une comme l'autre. C'est-à-dire que l'immigrationnisme et ce que tu appelles dans ton livre l'enracinement identitaire sont les deux faces de la même pièce. Pas exactement. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont deux... l'enracinement identitaire simple aboutit au choc des civilisations, nécessairement, qui est une solution envisagée par le pouvoir. C'est-à-dire, en gros, la guerre ethnique en Europe. Et là, il est sûr de gagner. Le pouvoir est sûr de gagner. Et nous, on est sûr de perdre. C'est-à-dire que la reconquista romantique ne peut pas... c'est l'échec assuré. En revanche, le déracinement identitaire est tout aussi destructeur. C'est produit le même effet à la fin, de toute façon. Terre brûlée, quoi. Et donc, Lucien Cerise, quelle est la troisième voie, selon vous ? Ah ben, ça consiste à métacommuniquer, c'est-à-dire en fait déjà dénoncer l'opposition, enfin l'injonction contradictoire dans laquelle nous sommes piégés, pour donc trouver des solutions, mais au niveau au-dessus, à l'étage au-dessus. C'est-à-dire, en fait, ni choc des civilisations, ni remplacement. Et donc là, il faut formuler un discours qui, pour l'instant, que je trouve chez Égalité et Réconciliation, qu'on peut trouver aussi ailleurs. Enfin, mais ce que je veux dire, c'est que Égalité et Réconciliation est un peu le fer de lance, l'organisation qui diffuse le mieux, enfin, qui soutient le mieux cet effort de métacommunication qui, en gros, dit ni choc des civilisations, ni guerre identitaire, ni guerre ethnique, ni remplacement. En fait, c'est un discours, je dirais, nationaliste banal, assimilationniste, sur le fond, quoi. Mais bon, évidemment, les choses deviennent complexes parce que la démographie penche de plus en plus dans un certain sens. Et rend cette position de plus en plus difficile. Oui, mais il n'y en a pas d'autres. Parce que les deux autres, là, c'est-à-dire à l'étage en dessous, c'est-à-dire guerre ou remplacement, de toute façon, aboutissent à des souffrances innommables. Si on ne veut pas mourir dans d'atroces souffrances, et même si on pense aux immigrés clandestins qui eux-mêmes de toute façon sont menacés, si on se place dans un point de vue hyper altruiste, c'est-à-dire vraiment où il faut s'ouvrir au monde, etc., l'intérêt même des clandestins, c'est que ce soit la paix en France, pour qu'ils puissent avoir leurs aides sociales sans travailler, etc. Voilà, même l'intérêt du clandestin de base qui vient ici pour violer une Allemande à Cologne, son intérêt, c'est que ce soit la paix en Europe, malgré tout. Donc il faut aussi comprendre que si on pousse cet altruisme un peu gauchisant, là, en fait, qui est une sorte d'excroissance d'un christianisme, le bon samaritain, quoi, qui donne tout à l'autre, etc., même si on va jusqu'au bout de ça, de l'abolition de l'Europe chrétienne et blanche, de toute façon, c'est l'intérêt des clandestins et des remplaçants que ce soit la paix ici. Parce que c'est pas le but, évidemment. Enfin, c'est pas le but de l'oligarchie qui triangule le conflit de toute façon, parce que à la fin, le but, c'est la liquidation de toute vie sur Terre, quoi. De l'oligarchie, je précise occidentale, parce qu'il y a d'autres oligarchies qui sont pas forcément totalement sur cette ligne-là. Pierre ? Oui, la question que je voulais poser, mais que tu as déjà évoquée tout à l'heure, c'est jusqu'où peut aller ce piratage ? Donc, pour toi, ça va jusqu'à la négation même de l'humanité. Oui, c'est ça. De toute façon, en gros, ce que l'on voyait dans la science-fiction il y a quelques années, ça passe dans la réalité. C'est une question que je voulais te poser aussi. Est-ce que la réalité, on peut faire des parallèles, tu sais, avec Matrix et compagnie, mais est-ce que la réalité, au sens qu'on l'entend aujourd'hui, est devenue une fiction ? Oui, c'est un peu ça, oui. C'est-à-dire que les schémas divulgués dans la science-fiction sont en train de passer dans la réalité. Enfin, l'humanité augmentée, etc. Sur la mise en scène pour tout un tas d'événements, même au quotidien, on est vraiment passé à un niveau supérieur de la société du spectacle, de la société de consommation. On a construit une sorte de réalité parallèle qui prend le dessus au niveau individuel, au niveau des codes sociaux, c'est assez effrayant. Oui. Vous voulez parler de la, comment dire ça, des mises en scène médiatiques. Oui, mais je parlais même de cette espèce de simulacre du réel dans lequel les médias, la manipulation du langage, de tout un tas de choses nous enferment de plus en plus. Oui, bien sûr. Oui. Avec un décalage croissant justement entre les metteurs en scène et le public, voilà. qui en fait commence à trouver finalement que le spectacle est contre lui en réalité. On se fait insulter en permanence. Le public est une sorte d'acteur à moitié consentant. Mmh. Et on peut faire une analogie avec le cinéma. Effectivement, il y a des metteurs en scène, il y a des acteurs, il y a des scénarios. Avec l'arrivée massive des chaînes d'infos en continu. Mais bon, là, il y a une solution très simple, c'est tout simplement de se séparer définitivement de la télévision. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'il faut. Ça fait partie des moyens de sortir des problèmes, enfin de commencer en fait à il faut le faire, enfin c'est une discipline hein, je veux dire dans vos familles, n'hésitez pas à saboter les télés. Je suis sérieux hein, je dis pas ça pour comme ça sur le ton de la plaisanterie, c'est absolument indispensable. Moi je vois la différence entre les gens qui sont sous influence de la télé, enfin les gens génération de mes parents, tout ça entre 60 et 70 ans, ils sont totalement inoffensifs. Ils sont domestiqués, mais à un point où j'ai envie de les frapper, quoi. Je veux dire, c'est difficile de discuter. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord, c'est que y a pas de point de contact. Ils sont totalement, sous contrôle. Totalement sous contrôle, oui. Lobotomisé, je dirais. Enfin, bon, c'est un peu méchant, mais. Non, parce qu'ils sont parfois encore capables de travailler ou d'avoir une activité intellectuelle. Mais en fait, il faut faire l'expérience hein, de se couper de la télé. En réalité, tout change sans que. Tout change et rien ne change en même temps. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se réapproprie sa souveraineté cognitive. Et en fait, on voit les choses différemment. Mais bon, sur le fond, évidemment, on n'est pas transformé. Hein, je ne sais pas, on doit récupérer 50 points de QI, quoi. Ou de capacité de concentration, en tout cas. Ça, c'est certain. Et puis surtout, en fait, on redevient actif. Tous les gens qui sont sous influence de la télé sont totalement passifs. C'est du point de vue de l'information. Hein. Et donc, en fait, on peut avoir des choses extraordinaires. Hein. Enfin, des gens. J'ai des liens dans les pays de l'Est. Les gens peuvent être encore viscéralement racistes. Racistes, hein, je ne dis pas racialistes, mais racistes. Mais voter pour les partis qui leur promettent plus d'immigrés quand même. Tout ça parce que. À cause de l'influence de la télé. Mais Lucien. Est-ce que c'est vraiment nouveau, ça ? Est-ce que de tout temps, finalement, les peuples n'ont pas été dans cette situation, finalement, un peu passive, et que leur histoire a été faite par des minorités pensantes et qu'en fait, finalement, ce que vous dites, c'est simplement une actualisation de ce qui a existé depuis toujours ? Pas exactement, non, parce que alors effectivement, bon, on peut remonter jusqu'à Platon, jusqu'à Sun Tzu pour faire une histoire des techniques de manipulation, mais bon, il n'y avait quand même pas le programme de liquider l'espèce humaine. Il y a quand même eu des guerres meurtrières. Mais la guerre, c'est pas forcément une négation de l'humanité, tu vois. C'est du caractère ou de l'identité naturelle de l'humain. Codifié. Oui, alors premièrement, elle peut être codifiée. Mais surtout, oui, effectivement, une guerre, ce n'est pas pour liquider l'espèce. C'est là, le projet, aujourd'hui, on en est là. Il faut vraiment liquider l'espèce et produire autre chose. Tout ce qui tourne autour du LGBT, par exemple, c'est plus qu'un changement de civilisation. Puisque, enfin, je ne sais plus, c'était la phrase de Taubira qui disait « on va changer la civilisation ». Non, c'est bien pire que ça. C'est un changement d'espèce. Et c'est même au-delà du changement d'espèce, c'est un changement de règne, puisqu'on ne se reproduit plus par des voies naturelles, puisque toutes les espèces vivantes se reproduisent de manière sexuée, ou bon, parfois par bourgeonnement, etc. Mais bon, là, on va au-delà de ça, puisqu'on se le but, c'est de se reproduire en laboratoire. Donc on sort même du vivant. Enfin, il faut se représenter la chose. On sort du vivant, carrément. Pour aller vers autre chose, on ne sait pas trop quoi, mais on veut nous y mener. Donc c'est même l'abolition du vivant, c'est même pas l'abolition de l'espèce humaine, non, c'est au-delà de ça. Pour aller, et en fait le programme kabbalistique hein, qui est derrière ça, c'est donc le mélange de tout. C'est le vaste métissage généralisé du vivant et du non-vivant, pour aboutir en fait à une création qui soit totalement plastique, et qui ne fasse plus de distinction distinction qualitative hein, entre les choses, entre les natures. Oui, c'est ce qu'on appelle la soupe primordiale. C'est ça, c'est exactement ça. Et ce qu'on peut, faire des parallèles avec le métissage globalisé, l'indistinction, voilà. Qu'on observe donc en fait ce travail de détruire la création pour la faire revenir à un état de soupe primordiale, en fait, donc il se fait à plusieurs échelles qu'on peut observer. Donc l'échelle effectivement ethnique, l'échelle culturelle, mais aussi l'échelle spéciste, hein, avec l'antispécisme qui refuse de distinguer les espèces, qui veut mélanger les espèces dans un deuxième temps. Après le refus de les distinguer, bon, bah, évidemment, on peut passer au mélange, hein, puisqu'il n'y a plus de différence. Donc, voilà. Et voilà, donc c'est donc là en fait on sort de la soupe primordiale et on veut nous y faire revenir. Bien sûr, ouais. Parce qu'il y a un refus de la vie en fait, un refus de la vie en tant qu'évolution créatrice, oui, c'est vrai. Et en tant que mouvement, qu'histoire même. C'est on va, le but c'est la dissolution de la vie humaine, des identités, de tout. Tout ce qui Lucien, qui compose l'homme. Moi j'ai juste pour finir là-dessus, j'ai une question du coup. J'ai relevé dans ton livre une formule qui m'intéresse, c'est le combat de l'homéostasie contre le déséquilibre. Donc pour coller avec ce que j'expliquais, est-ce que c'est pour toi le combat finalement de la vie contre l'anti-vie, si on peut dire. Est-ce que vous pouvez déjà définir le mot homéostasie? Oui. En gros, ça veut dire stabilité. Voilà, équilibre, stabilité. Et il se trouve que c'est essentiellement dans l'homéostasie que la vie se développe. Parce que c'est le chaos perpétuel ne permet pas à la vie d'apparaître. À un moment, il faut que les systèmes se stabilisent. Les systèmes vivants. Le principe de l'homéostasie, pour ce que j'en sais, c'est que la vie trouve son équilibre parfait et naturel quand on la laisse faire, en fait. Quand on laisse ce principe agir, en fait. Et c'est là qu'on peut faire qu'on peut évoquer ton travail. C'est-à-dire que le système, qu'on peut qualifier comme une sorte de superstructure, vient finalement empêcher cette homéostasie naturelle. Il vient déséquilibrer, en fait. C'est-à-dire que, il y a des déstabilisations naturelles, on pourrait dire aussi. Je veux dire, ça existe. Mais en fait, on voit quand même que depuis le XVIIIe siècle, pour moi, c'est vraiment la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on voit se mettre en place des déséquilibres artificiels, donc des conflits triangulés. Parce que du conflit, par exemple, énergétique, il y en a dans les lois physiques. Où il y a des déséquilibres énergétiques qui peuvent être parfaitement naturels. Mais il y a tout un tas il y a une philosophie qui se met en place avec les Lumières, et qui, elle, cherche en quelque sorte à prendre la place des lois physiques, pratiquement, quoi, ou la place de Dieu, c'est pour les croyants, et qui, cherche à finalement s'occuper de la nature à la place de la nature. Prendre en otage les lois du monde, quoi, et qui provoquent des déséquilibres artificiels, des choses qui n'arrivent pas toutes seules. J'en veux pour preuve que les guerres les guerres les plus meurtrières sont celles du XXe siècle. La plupart des guerres qui ont eu lieu, alors avant, évidemment, on va m'opposer que les systèmes d'armes étaient moins sophistiqués et forcément, avec un arc et des flèches, on tue moins de monde qu'avec une bombe atomique. Mais je dirais que tout ça fait système, justement. C'est-à-dire que la plupart du temps, les guerres, je dirais normales en quelque sorte, étaient régulées. De toute façon, il y avait effectivement une rationalisation du conflit. Elles étaient ritualisées, très symbolisées, et elles faisaient pas autant de morts, non pas uniquement pour des raisons techniques, mais aussi parce que les gens savaient s'arrêter. Alors après, il y a toujours eu des débordements, on est d'accord, oui, d'accord. Oui, et puis pour prendre l'exemple juste de l'Ancien Régime, celui qui déclarait la guerre était celui qui la faisait. Oui. Ce qui n'est plus du tout le cas. Non, effectivement, voilà. C'est-à-dire qu'en fait... Aujourd'hui, le seul qui ne la fait pas, c'est celui qui la déclare. Quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, les guerres n'étaient pas furtives. Donc il y a toujours eu de la furtivité, il y a toujours eu des agents de renseignement, Sun Tzu en parle déjà, il y a toujours eu des espions. Mais la guerre, en tant que phénomène massif, elle n'était pas furtive. C'était des escarmouches planifiées, ouais. On se donne rendez-vous à tel endroit, on est... 10 contre 10, ça n'a rien à voir. Quoi. C'était hyper rationnel, en fait. Voilà. Et on voit, à partir des années 80-90, émerger un nouveau concept de la guerre en essaim, Swarm Warfare, c'est théorisé par la RAND Corporation, et qui propose, et ensuite, sur cette base-là, il y a eu la G4G, puis maintenant la guerre hybride, c'est-à-dire, en fait, la guerre totale, à tous les niveaux et par tous les moyens. Mais surtout, furtif. On ne doit jamais comprendre ce qui se passe. Si on commence à comprendre ce qui se passe, on commence à se protéger. Or, comme nous sommes, enfin, comme l'influence belliqueuse, c'est-à-dire nous sommes plongés dans un environnement. Parce que là, la guerre consiste à nous plonger dans un environnement qui va nous atrophier en quelque sorte, nous réduire à un tas de merde. C'est le but. Hein. Si on commence à comprendre ça, on commence déjà à en sortir. Puisque tous les poisons, tous les virus mentaux qui nous sont implémentés, justement, on commence à s'en protéger et en fait à renverser, à se dire, mais en fait, ce que je crois depuis ma plus tendre enfance, c'est peut-être faux. Et puis en fait, en réalité, on se rend compte au bout d'un moment que tout est faux. Quoi. Alors là, Lucien, je voudrais vous poser une question, la question qui fâche. Hein, je vais vous poser une question comme je la poserai aux gens que j'interviewe dans les manifestations. Lucien, je vous ai posé la question du pourquoi. Je voudrais vous poser la question de qui. Et est-ce que ces gens ont des choses qui les caractérisent? Oui. Alors, la question de qui. Donc, en fait, il y a le Serge Moscovici qui a proposé le concept de minorité active. Il y a une catégorie élastique hein, qui permet en fait de rassembler en fait donc un certain nombre de par exemple de lobbies. Hein, donc ça peut être le lobby juif, la franc-maçonnerie, le lobby LGBT. Les intérêts anglo-saxons à l'étranger, puisque les anglo-saxons à l'étranger sont en minorité aussi, et agissent de toute façon comme un facteur de dissolution, bon, mais ça depuis fort longtemps. Donc en fait, c'est le monde du lobbying, hein, essentiellement. Et puis donc effectivement des sectes ésotériques, ce genre de choses, ou des religions qui se retrouvent en situation de minorité et qui se retrouvent dès lors finalement en situation d'agent d'infiltration automatiquement. À partir du moment où vous êtes minoritaire dans une majorité, dans un environnement dans un environnement où vous êtes minoritaire, la question se pose comment survivre dans cet environnement, si ce n'est donc en quelque sorte en le pourrissant de l'intérieur, en lançant des conflits triangulés pour diviser pour régner, afin de diviser pour régner, ou en prenant le contrôle, par exemple. Donc ce ne sera pas par la force de travail, hein, mais ce sera par la finance ou par ce genre de choses. On retrouve des grandes structures hein, et on les retrouve dans toutes les civilisations. Hein. Il y a des groupes minoritaires qui se retrouvent dans les mêmes configurations, on pourrait dire structurelles ou archétypales, quelle que soit la civilisation ou l'époque. À partir du moment où vous prenez votre programme consiste effectivement à en quelque sorte prendre le pouvoir dans un environnement où vous ne devriez pas l'avoir naturellement, vous êtes obligé d'inverser au bout d'un moment les rapports on pourrait dire de production naturelle, et donc de faire dépendre l'économie réelle d'une économie virtuelle, par exemple. Si on va jusqu'au bout, c'est la suppression de l'argent liquide, puisque bon, l'argent est fiduciaire, hein, la monnaie fiduciaire a déjà une grosse partie de virtuel. Virtualité. Enfin, oui, voilà. Ouais. Mais bon, là, il est prévu d'aller encore au-delà de ça, hein, donc d'abolir même les pièces de monnaie, même les billets de banque, pour en quelque sorte permettre à toujours moins de monde, puisque c'est une structure pyramidale. Ça doit permettre à toujours moins de monde de contrôler toujours plus de monde. Donc la virtualité se donne les moyens hein, de contrôler toujours plus la réalité. Et à partir de là, bon, ça permet effectivement à la fin, finalement, une personne dans un bureau peut en fait finalement régner hein, sur des millions d'individus, mais toujours de manière furtive. Parce que si les millions d'individus commencent à comprendre qu'il y en a un dans un bureau, dans cette tour-là, qui leur pourrit la vie, le type dans son bureau ou dans son château ne fait pas le poids, hein, c'est évident. Donc il faut absolument que cet individu ou ce collectif minoritaire parvienne à pirater le cerveau de la majorité pour que cette majorité jamais ne le voit ne voient la structure de domination hiérarchique. Et ne la comprennent. Et ne la comprennent. Et de ce point de vue-là, la finance est un cas d'école, puisqu'en fait, on est là face à un système que les gens ne comprennent pas. Très peu de gens, peut-être, je ne sais pas, moins d'1% des Français savent ce qu'est la dette réellement. Pierre. C'est une abstraction complète. Oui, ouais, bien sûr. Moi, je sais, j'ai enseigné 5 ans la finance à l'université, à Grenoble. Et effectivement, les étudiants, quand on leur explique concrètement que la dette, c'est une virtualité totale, que c'est une dépendance virtuelle à l'égard de gens qui ont le pouvoir, un pouvoir considérable qui est celui de créer de la monnaie qui est en fait un signe, la monnaie n'a de pouvoir que celui qu'on lui donne. Et ces gens qui ont ce pouvoir-là de créer cette monnaie nous la prêtent. Oui. Mais en fait, c'est un rapport de force totalement virtuel. On accepte de se laisser dominer. C'est purement mental. C'est mental. Et ça, les gens ne le savent pas, en fait. Alors quand, finalement, c'est pas si difficile que ça à comprendre. C'est ce qui me fait penser que, et après je vous laisserai la parole, parce que c'est pas moi qui suis interviewé, que finalement, en fait, le système repose sur la bêtise des gens, l'ignorance. Oui, en fait, plutôt sur donc, des principes d'ingénierie sociale. Bon, c'est là où, justement, moi, je suis peut-être pas totalement d'accord avec vous. C'est l'ignorance. Je pense que la part d'ignorance dans la domination du système sur nous tous. Mais l'ingénierie sociale consiste à produire de l'ignorance. Par de la coercition. Et surtout en jouant sur le champ attentionnel. C'est-à-dire, en fait, sur la focalisation de la conscience. Donc, c'est là où on peut mobiliser le triangle de Cartman. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voyez quelqu'un comme une victime, bah, vous ne pensez pas de mal d'elle, forcément, puisqu'elle est victime. Et donc, elle peut commencer à vous pourrir la vie. Et jamais vous ne penserez que c'est cette personne qui vous pourrit la vie, puisque c'est une victime. Donc, si vous êtes capable d'endosser le rôle de la victime absolue, définitive, éternelle, à ce moment-là, vous pouvez pérenniser votre système de domination mentale. Ce que font très bien les minorités actives qui endossent ce rôle qui passent à la télé pour dire ah on est persécutés ce qui est enfin démentant par là même qu'elles sont au pouvoir enfin qu'elles sont pas persécutées puisque elles ont les moyens de forcer des millions de gens à croire qu'elles sont persécutées. Donc là, il y a par-dessus cette contradiction, il faut encore rajouter une nouvelle virtualité pour la dissimuler. Donc là, on rentre en plus là, dans la double pensée Orwell. Quoi. C'est-à-dire qu'il faut perpétuellement revirtualiser. Parce que sinon, ce système donc de contradiction maximum entre la réalité et la vision mentale se dissout, se disloque très rapidement. Donc c'est un effort continuel pour que le pouvoir parvienne à se faire percevoir comme la victime. Voilà, et sur la victimisation, je recommanderais aux auditeurs de RFM le film de Carpenter, The Thing. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Lucien. Il y a longtemps. Avec cette chose qui se fait passer pour victime à travers un chien et rentre dans une base américaine et qui arrive justement à diviser tout le monde et à la fin, la base américaine est détruite. Enfin, c'est vraiment un film à voir. Et d'un point de vue plus général, l'objectif de nos dirigeants n'est-il pas plutôt la destruction de toute frontière ? Vous avez évoqué la destruction de la frontière, enfin le transhumanisme avec la fin de la frontière entre le vivant et le mort, entre les hommes et les femmes, ainsi de suite. Et puis les problèmes qui deviennent tous globaux parce qu'on veut bien qu'ils soient globaux. Est-ce que vous ne croyez pas que ce qui caractérise généralement cette ingénierie sociale, c'est la destruction de toute frontière? C'est ça, oui. Bah, en fait, la destruction de toute frontière, c'est la destruction de toute identité. C'est la même chose, hein, puisque une identité, forcément, une enveloppe, charnelle, nécessairement, pour se distinguer. C'est pour qu'une identité puisse exister en tant qu'elle est ce qu'elle est. Enfin, ça, c'est de l'ontologie grecque. Voilà, c'est l'être et le non-être, quoi. Donc, en fait, forcément, il faut une limite hein, à l'être de telle chose. Parce qu'une chose qui n'a pas de limite se confond avec son environnement. N'existe plus en tant qu'individu. Puis entre le réel et le virtuel, la dématérialisation, toutes ces problématiques-là. Sur ce sujet de l'être qui se caractérise par finalement sa membrane, je renverrai nos auditeurs sur une excellente interview et un livre aussi d'ailleurs, de Régis Debray, qu'on ne pourra pas qualifier de fasciste, puisqu'il était, je le rappelle, avec le Che en Bolivie dans la jungle. Donc on ne peut pas faire plus révolutionnaire que ça. Et lui-même, donc, dans cette excellente interview, explique ce que vous êtes en train de dire. Oui, bien sûr. Oui. Ah oui, non, mais bon, Régis Debray, au-delà de la politique, je veux dire, bon, c'est tout ce qu'il a fait autour de la médiologie, surtout le cours de médiologie, c'est à lire absolument. Hein, c'est bien écrit, quoi. Je veux dire, c'est vraiment quelqu'un qui a une plume. Éloge de la frontière. Oui, alors ça, c'est Éloge de la frontière, mm-hmm. Oui, c'est un de ses derniers livres, hein, que je n'ai pas lu, mais bon, j'en ai lu d'autres. Enfin, tout ce qu'il a fait dans les années 80 sur l'image, sur la médiologie, moi, je l'ai plus abordé sous cet angle-là. C'est quelqu'un de très très intéressant. Pierre ? Oui, donc je ne vais pas m'apesantir sur Régis Debray. Moi, je voulais parler concrètement là, sur les frontières, puisque dans ton livre, tu parles de l'État-nation. L'État-nation comme une sorte d'échelle un peu idéale en termes d'ingénierie sociale positive, justement. Peut-être que tu peux développer un peu sur l'État-nation. Oui. Le point de départ, c'est ce que l'on nous fait vivre. Donc la dissolution, la déconstruction des États-nations. Parce que les individus sont piratés, les groupes sociaux sont piratés, mais les nations sont piratées aussi. Oui, oui, oui. Et l'échelle d'observation varie, mais le protocole appliqué reste le même. À chaque fois, il s'agit furtivement d'implémenter des contradictions internes pour faire éclater le sujet social, individuel ou collectif. Donc là, l'État-nation un et indivisible doit être impérativement détruit hein, pour que le rouleau compresseur capitaliste continue à avancer. On va trianguler des conflits à l'intérieur de ça, et puis ensuite, on recomposera ce qui reste sur de nouvelles bases, les euro-régions par exemple, ce genre de choses. Et donc, l'État-nation historiquement est quand même une forme qui a émergé de façon assez. Assez lente et assez viable. Hein. Je suis un partisan de la lenteur. Je pense que ce qui est lent est plus viable que ce qui est rapide. En règle générale, évidemment, il y a toujours des exceptions. C'est plus naturel qu'artificiel, pour le coup. Voilà, c'est aussi dans mon bouquin, là, je parle de révolution lente, par exemple. J'essaie de penser, de faire l'ingénierie sociale positive, c'est-à-dire d'inverser la destruction qu'on nous fait subir de façon donc furtive et triangulée, etc. Bon, donc je propose la notion de révolution lente pour inverser le phénomène et pour reconstituer du national, reconstituer de la frontière hein, à tous les niveaux de l'existence, hein, puisque c'est fractal, quoi. Toutes les limites, toutes les frontières sont attaquées. À toutes les échelles de l'existence, à toutes les échelles de l'être, avec un grand E. Ça va dans le principe de dissolution. De dissolution intégrale, ontologique, cosmique. C'est au-delà du nationalisme, hein, évidemment. On est dans un projet, on pourrait dire, quasi spirituel, quoi. Mais bon. Pour ce qui nous concerne, à notre échelle de vie, la souveraineté nationale, hein, et puis la souveraineté alimentaire, énergétique, tout ça, mais en politique ou en géopolitique, ça prend la forme de la souveraineté nationale. C'est une façon donc de réinsérer, là aussi de manière fractale, de la souveraineté au niveau de l'échelle de vie géopolitique. Je sais pas si vous me suivez. Si, on vous suit. L'État-nation comme alternative à la dissolution mondialiste. Au supranationalisme. À ne pas confondre avec l'internationalisme. Je propose un slogan là dans la nouvelle préface, hein, c'est l'égoïsme national, condition de l'altruisme international. Parce que bon, on peut pas faire. Il s'agit pas d'être de gauche, c'est pas ça. Mais je veux dire, à l'heure de la mondialisation, bon, la question internationale se pose nécessairement. C'est, on peut pas faire abstraction de ça, c'est plus possible, puisque effectivement, on est tout. Enfin, il y a une forme incontournable de mondialisation. Aujourd'hui, c'est voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait le tour de la Terre. Je pense que à peu près chaque centimètre carré de la surface de la Terre est, peut être vu depuis l'espace. En plus, enfin bon, donc ça sert à rien de s'imaginer qu'on va reconstituer des systèmes clos. Là, il y a, on est contraint, qu'on le veuille ou non, ça peut ne pas faire plaisir à certaines personnes. On est obligé à une forme d'ouverture internationale. Maintenant, chacun chez soi aussi, hein, les moutons seront bien gardés. C'est-à-dire que, bon, malgré tout, il y a des émergences nationales, effectivement, qui ont pris leur temps et qui sont viables pour cette raison-là. Donc, si elles doivent disparaître, il faut que cela soit aussi de façon viable. Vous voyez ce que je veux dire ? Mmh. Donc, ce n'est pas à des individus à Bruxelles de le décider. Parce que c'est là le problème. Là, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure quand j'ai vu. Je pense que dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il y a un projet de prise en charge de l'évolution des sociétés, une prise en charge consciente qui s'est vraiment mis en place au niveau global. Et donc là, bon, je pense qu'il faut revenir à une forme de naturalité de l'évolution des sociétés, même si ça doit aboutir à leur disparition. Mais elles doivent mourir de leur belle mort. Alors là, qu'est-ce qu'on voit ? On nous euthanasie. L'Europe est en train d'être euthanasiée. Et le reste du monde suivra, hein, de toute façon. Donc, enfin, je veux dire, les gens qui disent, par exemple, qui nous écoutent et qui se disent, moi, je m'en fous, je ne suis pas européen, mais ils sont sur la liste, hein, ils sont juste après. Hein. Donc, il faut effectivement être internationaliste et donc se dire, bon, tous ensemble, en gros, hein, en fait, c'est le principe de l'alternationalisme, hein, je crois que c'est Jean-Claude Martinez ou je ne sais plus qui lançait ça. Hein. C'est en fait, nationaliste du monde, unissez-vous. Quoi. Et c'est pour ça que je dis que, alors, dans la hiérarchie des priorités, l'égoïsme national doit primer, hein, évidemment, dans une perspective de coopération internationale, pour rétablir une mondialisation viable. Parce que, bon, voilà, je pense que là, la mondialisation, elle est de facto. Je ne parle pas de mondialisme, mais je parle d'échanges internationaux. Quoi. Donc là, si on transpose avec les problématiques actuelles, on peut rejoindre les analyses liées au protectionnisme européen, par exemple. Oui, enfin bon, pourquoi passer à l'échelle européenne ? Parlons de protectionnisme national. Bien sûr, national, voilà. Et peut-être européen aussi. Ah bah, si ça doit arriver, il faut que ce pas soit... Pas forcément dans le cadre de l'Union européenne. Non, mais c'est ça, voilà. Et si ça doit venir, je pense qu'il faut que ça vienne de façon décentralisée. C'est la différence entre la vie naturelle, je dirais, et les projets utopiques. Hein, c'est que la vie se développe de façon décentralisée. Je dirais, enfin, elle n'obéit pas à un projet conscient, élaboré en plusieurs points, etc. Il y a violence en général quand vous avez un petit groupe de gens qui se disent bon, bah, nous, on a les moyens d'imposer un plan en trois points, etc. Là, en général, ça passe mal. D'où les stratégies qui sont obligées de mettre en place, c'est-à-dire de furtivité et de pour avancer masqué, hameçonnage et tout ce qui va avec. Sinon, ça passe pas. La vie n'est pas une programmation. Pas consciente, en tout cas. Donc Lucien Cerise, ce que vous dites finalement rejoint assez bien le sous-titre de Comprendre l'Empire d'Alain Soral. Mm-hmm. Demain, la gouvernance globale ou la révolte des nations. C'est ça. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire, conclure oui. Peut-être même sur ça ? Oui, c'est l'alternative unique, hein, à savoir que bon, si les nations ne se révoltent pas, et bon, pour cela, effectivement, il faut savoir dialoguer, hein, entre les nations, avec en perspective, effectivement, la souveraineté nationale. Et un retour à la souveraineté nationale, ce qui suppose évidemment de démanteler l'Union européenne, l'euro, Schengen, l'OTAN et tous ces trucs-là. C'est-à-dire que c'est ça ou rien, quoi, en fait. Enfin, je veux dire, sinon on va crever la gueule ouverte, quoi. À partir de là, les choses sont parfaitement claires. Ensuite, concrètement, on va dire, oui, qu'est-ce qu'on peut faire? À la fin des conférences, parfois, les gens lèvent la main et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? La solution. Les gens qui me demandent ça, en général, c'est parce qu'ils ont 3h, 4h de télé dans la tête par jour. C'est quasi obligé, quoi. Donc, en fait, c'est pas très compliqué. Justement, la télé vise à empêcher de trouver des solutions évidentes. En fait, c'est là la véritable influence de la télé. La solution est évidente. C'est vous prenez votre carte dans un parti ou au moins dans une organisation militante, nationaliste, point barre. C'est pas compliqué quand même. Mais il y a encore des gens qui n'arrivent même pas à conclure sur cette solution évidente. C'est tout le but de la télévision et puis du spectacle en général. C'est de nous empêcher de trouver les solutions les plus évidentes. La première chose, évidemment, c'est de se couper définitivement de la télé. Alors, on peut regarder des extraits sur Internet, c'est pas le problème, mais Internet, c'est proactif, quoi. On n'est jamais réellement passif, même quand on regarde une heure d'images sur Internet. L'état psychologique dans lequel nous sommes sur Internet n'est pas le même que celui où on se retrouve plongé en état d'hypnose, légère, mais d'hypnose quand même, devant la télé. De la même façon, le cinéma, j'y vais plus, j'en ai marre de filer du fric à l'ennemi, mais l'état psychologique dans lequel on est, aussi, je vais au spectacle quand je vais au cinéma. Donc il y a un contrat de spectateur, c'est pas la même chose. Mais la télévision veut se faire passer pour du réel. Et donc c'est là où le contrat, en fait, est biaisé. La télévision est vraiment le premier ennemi pour nous, quoi. Enfin, pour nous, pour l'humanité, en réalité. Faut militer, c'est tout. En politique politicienne, et puis les gens qui vraiment n'aiment pas ça, il reste tout un tas de clubs, d'organisations, d'associations, comme ER, par exemple, évidemment. Il faut savoir qu'à la fin, tout se finit, non pas en chanson, mais en bulletin dans les urnes. Voilà, faut aussi le savoir. C'est comme ça qu'on en sortira. C'est pas en descendant dans la rue, à l'ukrainienne, on n'a pas la CIA avec nous, donc on peut pas se lancer dans un truc pareil. Au contraire, la CIA est contre nous. Donc si un jour on a la CIA avec nous, mais ça n'arrivera jamais, là on pourra envisager un putsch dans la rue, quoi. Mais ce sera pas le cas. Donc, il ne nous reste plus qu'à mettre des bulletins dans les urnes et à vérifier aussi que le décompte des voix n'est pas truqué, etc., etc. C'est la solution de bon sens que j'ai trouvée, parce que par élimination, au fil des années, on se dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de me procurer un lance-roquettes en banlieue. La connerie à ne pas faire, évidemment. Parce que là, après, on finit, on finit justement en une des journaux avec notre photo, avec une mine patibulaire, et puis le nouveau terrorisme, Parce que dans ton livre, tu dis que l'action directe est balisée par l'Empire. Oui, non mais c'est ça, exactement, oui. Mais parce que comme ils ont eu le temps d'étudier les choses, le terrorisme, en réalité, est entièrement encadré par le pouvoir, de A à Z. Donc il ne faut pas s'imaginer que... Moi, je suis en train d'écrire la biographie d'un homme qui a réussi justement ce dont vous parlez. Oui, c'est un coup d'État, quoi. Mmh. C'est ça. Qui a réussi, non, en fait, il a échoué. Oui. Mais ça lui a permis de réussir après, ensuite. Par les urnes. Par les urnes et par son charisme, surtout, en fait. Bien sûr, non, mais ça, le charisme, ça va avec. Mais bon, en même temps, alors... c'est une zone géographique qui, à l'époque... Qui s'y prête. Oui, non, mais c'est ça, voilà. Mais je veux dire, vu le quadrillage de l'Europe par les officines que CIA, Mossad et compagnie, faut pas s'imaginer que en réalité, ils seront déjà au courant avant même qu'on ait levé le petit doigt, quoi. Donc on est suivi n'importe quelle conversation et écouté au téléphone. Là, tout ce qu'on est en train de dire depuis une heure, ce sera évidemment étudié. Il n'y a pas d'autre possibilité que les bulletins dans les urnes. Et en même temps, je pense que si on s'y met tous, tous européens, nationalistes européens, pour aller dans ce sens-là, ce qui est en train de se faire, mine de rien, on peut s'en sortir. Mais il faut pousser. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent, notamment dans les pays de l'Est, mais pas que. Hein, voilà. Donc, pays de l'Est, je ne parle pas de l'Ukraine, hein, évidemment. Non, je pense à Pologne, Hongrie. Ou, enfin, bon. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe quand même là, depuis un an, deux ans, je ne sais pas exactement. Mais bon, voilà, il faut travailler d'arrache-pied dans ce sens-là. Il faut être patient. Hein, parce que la patience est une vraie qualité. Plein d'abnégation. Mais bon, on n'a pas le choix, de toute façon. C'est ça où, j'ai envie de dire, c'est la bourse ou la vie, quoi. Enfin, je veux dire, si on ne parvient pas à sortir de la matrice dans laquelle on se retrouve, bah, on sera pucé, euthanasié, et puis voilà. Et les remplaçants aussi, d'ailleurs. Lucien Cerise, Neuropirate, essai sur l'ingénierie sociale, disponible ce mercredi 10 février 2016 aux éditions Contre-Culture. Un bel ouvrage de 449 pages. Lucien Cerise, merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation et pour être venu parler de ces choses graves avec nous. Merci à vous. Voilà. Alors, je ne sais pas si mes camarades seront d'accord avec moi, mais c'était vraiment passionnant, hein, cette discussion. Elle était passionnante. Ouais. Je pense que ça méritera que nous prolongions cette conversation dans une future invitation. Avec plaisir. Prochaine. Mmh. Hein, qu'est-ce que tu en penses, Xavier ? Ah, je suis assez d'accord. D'accord. Pierre, merci beaucoup aussi d'être venu nous accompagner. Eh ben, merci à vous. Je suis très heureux d'accompagner la sortie de ce livre qui, je le répète, je pense est un livre très très intéressant, très complet sur la question, qui ratisse très profondément et en même temps large, et qui a peu de précédent, je crois, en langue française. Donc allez-y, les yeux fermés. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Frank De Weer. Son album « Mes semblables » est disponible sur contreculture.com. Nous allons écouter « Notre Père ». Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine. Cours, vole, approche-toi, je t'invite à ma fête des bas-fonds les plus bas. Y'a Dieu qui roule des pètes et même Satan est là avec ses majorettes. Fume, sniff, injecte-toi, retourne-toi la tête. N'existe pas, j'ai pour toi des nymphettes qui n'attendent que ça, qu'on les prenne, qu'on les jette. Si le destin nous traite comme des chiens, on reniera la laisse. Tu le sais bien, après, il n'y a rien que la fin de l'espèce. On se couchera au premier round. Derrière toi, soit une art qui s'émiette. Cours, sprint, échappe-toi. Oublie la calculette, ne t'équationne pas. Multiplie les conquêtes et soustrais les dégâts au total de tes dettes. Si le destin nous lie pieds et poings, on donnera des coups de tête. Même si c'est vain, qu'après, il n'y a rien que la fin. Jetez de l'huile sur le feu, permettez-nous que l'on croit qu'il y ait un sens à tout ça. Notre Père qui êtes aux dieux, qui jetez de l'huile sur le feu, permettez-nous que l'on croit qu'il y ait un sens à tout ça. Notre Père qui êtes aux dieux, qui jetez de l'huile sur le feu, permettez-nous que l'on croit.